بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant notre cours numéro 23 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on explique toujours dans le sujet Qabdullah ta'ala al-Ard wa tayyus sama'i biyaminihi, c'est-à-dire on est toujours dans al-Iman billah, la foi en Allah et la clarification, l'explication de ses noms et de ses attributs. Et ici, le chapitre qu'on explique, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va faire de la terre une poignée et il va plier les cieux dans sa main droite, comme c'est mentionné dans Surat Az-Zumar, le verset 67. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bon, on a expliqué au dernier cours un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira. Il dit, « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِيَ السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre la terre dans sa main comme une poignée, il va faire une poignée de la terre avec sa main et il va plier les cieux dans sa main droite, hein, et il va dire je suis le roi. Où sont les rois de la terre? On a expliqué ce hadith là au dernier cours et donc on va continuer aujourd'hui avec un autre hadith dans ce chapitre, qui est le hadith 31. Il dit « Walahu » يعني al-Bukhari « Wa muslim kadhalik »« An ibn Umar radiyallahu anhuma an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal inna allaha yaqbidu yawma al-qiyamati al-aradin wa takunu al-samawatu biyaminihi thumma yaqulu ana al-malik. » Il dit ici que Abdullah ibn Umar, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah va prendre la terre, les terres dans sa main au jour de la résurrection et les cieux dans sa main droite et il va dire je suis le roi. Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce hadith là, يقول الله جل وعلا يوم القيامة أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون لقد كان في الدنيا جبابرة ومتكبرون عن طاعته جل وعلا وكانوا يستعملون جبروتهم على الناس ويظلمونهم ويتسلطون على العباد ولكن في الآخرة وبمجرد أن تقوم القيامة يذهب سلطانهم وملكهم ولا يبقى الملك إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه إثبات أن من أسمائه جل وعلا الملك وهو الملك الحقيقي. وأما غيره من الملوك فملكهم إنما هو مجرد منحة منه جل وعلا وإلا فالملك فالملك وإلا فالملك الحقيقي هو الله فالملك الحقيقي هو لله جل وعلا. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فملوك الدنيا جميعهم إنما ملكهم منحة وعطية منه جل وعلا وليس ملكهم بسبب قوتهم ومكانتهم وإنما هو ابتلاء وامتحان منه سبحانه وتعالى يبتليهم الله ويبتلي بهم ويبتليهم بإعطائهم الملك ويبتلي بهم الناس بتسليطهم عليهم. Donc ici, le Cheikh, il explique ce hadith-là en disant que Allah, Azza wa Jal, au jour de la résurrection, il va dire, je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Hein? Ils étaient, il y avait dans la dunya des tyrans, hein? des hommes fiers et orgueilleux qui refusaient son obéissance et ils utilisaient leur puissance ou leur pouvoir contre les gens pour leur faire de l'injustice, pour leur faire du tort. Hein, et ils utilisaient leur autorité pour écraser les gens et les éloigner de l'obéissance d'Allah ou bien pour leur donner de la difficulté dans l'adoration d'Allah ou des choses de ce genre et pour faire de l'injustice. Alors que dans l'au-delà, hein, du moment que l'heure de la résurrection va être sonnée et que là le jugement va être levé le jour du jugement, le jour de la résurrection, ils vont perdre toute leur puissance, toute leur autorité, tout leur royaume et leur possession et leur propriété. Il ne restera plus rien excepté que le royaume d'Allah, l'unique, le contraignant, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est donc une affirmation des noms d'Allah et du fait que parmi ces noms, il y a Al-Malik. Al-Malik, ça fait partie des noms d'Allah, le roi, le souverain, suprême. Donc, le vrai roi, le vrai souverain, suprême et réel, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que les autres rois qui sont sur terre, les rois, les empereurs, les présidents, tous ceux qui ont une autorité politique dans le monde, leur autorité, elle est temporaire. Et c'est un don que Allah leur donne pour un temps. Tandis que le vrai royaume, il appartient réellement uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela dans le verset 26, dans Surat Al-Imran, lorsqu'il le clarifie. Il dit « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ » Et ce qui signifie « Oh Allah, le roi de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité de qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu rabaisses qui tu veux. » Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Ça veut dire que tu as le pouvoir sur tout. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient le royaume et il le donne à qui il veut et il l'enlève de qui il veut. Donc, les rois de la terre et les présidents et les empereurs et les souverains sur terre, leur royaume est un don que Allah leur fait, qui est temporaire. Et c'est juste pour un temps. Subhanallah. Et il dit, le pouvoir qu'ils ont n'est pas dû à leur puissance, ni à leur position ou à leur statut, mais c'est uniquement un test, une épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Beaucoup de gens, ils ne réalisent pas cette chose-là. Ils pensent que ceux qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir parce qu'ils ont plus de force ou plus de pouvoir ou plus de statut que les autres. En réalité, ça n'a rien à voir. En réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui est au pouvoir et qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que, par exemple, on ne choisit pas. Quand on regarde, on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas le pays dans lequel on est né. Et si par exemple quelqu'un il est né dans une famille royale, dans laquelle il y a l'autorité et le pouvoir et la richesse, Hein? Eh bien, il n'a pas choisi ça. Ce n'est pas lui qui a choisi d'être né dans cette famille. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné que cette personne allait naître dans cette famille-là. Hein? Et qu'il est justement le successeur ou celui qui va être au pouvoir après hein? Le roi qui est au pouvoir actuellement. Donc, quand son père va mourir, c'est lui qui va hériter de son pouvoir et qui deviendra le roi après lui. Mais lui, il n'a pas choisi. Hein? Et dans d'autres situations, dans d'autres endroits, c'est la même chose. Hein? Pourquoi une personne, par exemple, est plus acceptée qu'un autre pour être celui qui va diriger un pays? Hein? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Hein? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est meilleur et qui doit être là et qui ne doit pas l'être. Et en même temps, c'est un test pour savoir comment cette personne-là va agir, comment elle va se comporter, est-ce qu'elle va être juste, est-ce qu'elle va être honnête, est-ce qu'elle va être sincère, est-ce qu'elle va défendre la vérité ou est-ce qu'elle va défendre le faux, est-ce qu'elle va juger selon la vérité ou est-ce qu'elle va juger selon ses passions. C'est un test. Chaque personne, chaque être humain sur la terre, il a un test selon sa situation. Et ça ne veut pas dire que parce que toi, tu n'as pas une responsabilité aussi grande, que ton test n'est pas aussi important. Chacun, il a son test selon son niveau de foi, selon son niveau de connaissance, selon son niveau, selon sa capacité. Et Allah ne met pas sur une personne une charge qu'il n'est pas capable de porter. Mais la charge du pouvoir et de la responsabilité, elle est beaucoup plus lourde. Donc si quelqu'un n'a pas cette responsabilité-là ou cette charge-là, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'en réalité, c'est une grâce hein, que Allah lui a faite. Et si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette responsabilité-là, eh bien, qu'il demande l'aide d'Allah et qu'il hein, cherche le support d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait justement d'appliquer, de rester sur la droiture puis d'essayer d'être juste et honnête hein, sur cette voie-là. Yani, donc, tout ça, c'est pour dire que le cheikh, il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Et c'est un test pour les gens qui ont le pouvoir et c'est un test pour les gens qui font partie de ceux qui sont parmi les sujets de ces dirigeants-là. Hein, nous, on est éprouvés par eux et eux sont éprouvés par nous. On est un test les uns pour les autres. Chaque personne est un test pour l'autre. Le cheikh, il mentionne également un autre hadith. C'est le hadith 32. Il dit « وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد. Donc ici le cheikh il explique une autre narration. Un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa musnad que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité un jour sur le minbar le verset 67 dans sourate Az-Zumar à propos justement de la question dont on est en train de parler et qui mentionne ce qui signifie et Allah et ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Hein? Il va faire une poignée de la terre au jour de la résurrection, et les cieux, il va les plier dans sa main droite, hein, qu'il soit exalté et purifié de ce que hein, de ce qu'ils associent avec lui, de ce qu'ils lui donnent comme associé, ou de ce qu'ils font comme shirk avec lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait, il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, hein, et il est au-dessus de tout. Et au jour de la résurrection, il prend les cieux et la terre dans sa main. C'est la preuve que pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'univers entier, c'est comme un grain de sable. Hein. Et donc, c'est pour ça que le messager d'Allah, quand il mentionnait ça, et en même temps qu'il citait le verset, il bougeait ses mains. Hein? Il faisait les gestes avec ses mains. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala se glorifie lui-même à ce moment-là en disant, je suis hein, Al-Jabbar, hein, celui qui a toute la puissance. Al-Mutakabbir, hein, celui qui est orgueilleux. Al-Aziz, le Tout-Puissant. Al-Karim, je suis le généreux. Et il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il mentionnait ces choses-là, il dit, il faisait trembler le mimbar à un point tel que on s'est dit, on dirait que le mimbar va tomber avec lui. Hein, tellement il bougeait en mentionnant ces choses-là. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية وفسرها على المنبر فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الدنيا أين الجبارون أين المتكبرون ثم إنه جل وعلا يعظم نفسه بأسمائه وصفاته كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حتى إن المنبر وهو جماد قد اهتز من هيبة الله جل جلاله وعظمته وهذا يعني أن الإدراك الموجود في الجمادات أن الإدراك موجود في الجمادات فهي تعرف ربها كما قال سبحانه وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا فكل المخلوقات تسبح الله بلغتها التي يعلمها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا المنبر قد اهتز من هيبة الله وعظمته جل وعلا وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر على جذع نخلة فيضع يده عليها صلى الله عليه وسلم ويخطب ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع وصعد على المنبر وصار يخطب الناس يعني ولكن الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى كما يبكي الصبي وسمع الصحابة الجذع حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فجعل يئن كأنين الطفل وهذا إدراك من الجمادات وقد يظهر الله لعباده شيئا من ذلك للاعتبار والعظة. Donc ici le Cheikh il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué hein, aux sahaba le verset 67 dans sourate Az-Zumar alors qu'il était sur le minbar et il a expliqué que yani Allah azza wa jal il va prendre les cieux et la terre dans sa main au jour de la résurrection et il va dire je suis le roi. Où sont les rois de ce bas monde? Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Puis il va glorifier sa personne par ses noms et par ses attributs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela hein, à ses compagnons et leur a mentionné ces exemples-là. Jusqu'à ce que même le mimbar commençait à bouger hein, par la crainte d'Allah azza wa jal. alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dessus et qu'il mentionnait ces choses-là, le minbar commençait à trembler. Hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dessus. Alors les sahaba ont dit, on dirait que hein, il va tomber hein, sur le minbar. Et le cheikh, il explique que ça, c'est la preuve que même les objets et les choses inertes ont des ressentiments par rapport à la vérité, par rapport à la parole d'Allah. Ils ressentent hein, et ils entendent et ils savent des choses qui se passent, hein, qui sont mentionnées par rapport à la vérité. C'est-à-dire que ils sont affectés par hein, par les paroles que Allah subhanahu wa ta'ala révèle de la vérité et des choses de ce genre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 44 dans sourate Al-Isra, il dit dans ce verset-là qu'il n'y a pas une chose qui existe excepté qu'elle glorifie hein, les louanges d'Allah. Mais il dit, mais par contre, vous ne comprenez pas leur glorification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature qui existe, même des objets inertes, ils glorifient Allah et ils mentionnent la louange d'Allah. Mais on ne peut pas comprendre la façon dont ils glorifient Allah. C'est-à-dire que toutes les créatures, même les animaux, hein, les animaux, les insectes, les pierres, les arbres, tout ce qui existe dans l'univers, même les atomes, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne peut pas comprendre leur glorification. Hein, mais il dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala est clément et pardonneur. Il dit, le cheikh, que toutes les créatures glorifient Allah subhanahu wa ta'ala dans la langue qu'ils connaissent. Mais ces langues-là, on ne les connaît pas ou on ne les comprend pas. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui les comprend, cette langue-là. Donc, il dit, alors que le minbar, qui est un objet inerte en bois, hein, et il n'a pas d'oreilles, n'a pas de yeux, il ne peut pas entendre ou voir, mais quand il ressent ce qui est mentionné à propos de la grandeur d'Allah, hein? Et l'exaltation d'Allah et le respect d'Allah, il commence à trembler à cause de ça. Et même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au tout début, quand il commençait à faire les discours dans la mosquée, au début, il le faisait sur un tronc d'arbre hein, qui était coupé. Et il montait dessus pour faire son discours. Puis, un des compagnons lui a fabriqué un pupitre, ou bien pas un pupitre, une chaire, en tout cas quelque chose pour monter dessus, pour s'adresser aux gens. Et le tronc d'arbre s'est mis à pleurer à ce moment-là, comme un bébé hein, qui pleure. Et les sahaba ont entendu le tronc d'arbre pleurer, jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam descende et mette sa main sur le tronc d'arbre. Hein, et il commençait à faire des bruits comme un bébé. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ça veut dire que les objets et les choses inertes, elles ont elles aussi des sentiments ou des sensations par rapport à ce qui est autour d'eux. Et il dit que Allah Azza wa Jal, il fait paraître de ces choses-là des fois à ses serviteurs pour les faire réfléchir et pour leur donner des exhortations et des leçons. Donc ça, c'est important. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon le hadith est rapporté par Al-Bukhari, selon Ibn Mas'ud. C'est-à-dire le hadith à propos du tronc d'arbre, ou bien la base de l'arbre. Ça, c'est des choses... Hein? Si, par exemple, des koufars, ils entendent ça, ils vont dire, comment ça, c'est pas possible. Hein? Ils vont dire, comment ça, c'est pas possible. Un tronc d'arbre qui pleure. Hein? Sauf que Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait hein, qu'est-ce que nous, on ne sait pas. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné des choses à propos du ghaïb que nous, on ne connaissait pas. Et on ne peut pas les connaître excepté par la révélation. Et il y a des miracles qui se sont produits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des prophètes précédents que on ne peut pas comprendre. On ne peut pas expliquer scientifiquement ces choses-là. Mais ça fait partie de la foi, de croire en ces choses-là. Celui qui ne croit pas en ça, il n'est pas mu'min, il n'est pas croyant. Parce que pour être un mu'min, il faut croire en qu'est-ce qui est raïb. Celui qui dit, moi je suis un musulman, mais je ne crois pas au raïb, alors il n'est pas musulman en réalité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. C'est-à-dire ceux qui croient en l'invisible, ce qui est invisible et caché. Donc ça, c'est très important. Et le Cheikh, il a cité un autre hadith, le hadith numéro 33. وَرَوَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ إِبْنُ مِقْسَمٍ أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضيه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, وعليكم السلام ورحمة الله. L'imam Muslim, il rapporte un autre hadith, une version de ce hadith selon Ubayd ibn Miqsam. Et dans cette narration, il dit que il a regardé Abdullah ibn Omar, comment il racontait le hadith donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Allah azza wa jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il prend, Allah va prendre les cieux et la terre et il va en faire une poignée dans sa main. Et il va dire, je suis le roi. Et il va ouvrir, il va fermer ses doigts et il va les ouvrir. Et il va dire, je suis le roi. Et il dit, et je regardais le mimbar du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui bougeait en dessous. C'est-à-dire, à partir de sa base, il bougeait le mimbar, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, expliquait ces choses-là. À un point tel que je disais à moi-même, est-ce qu'il va tomber avec le messager d'Allah? Donc, c'est pour dire, il y en a tellement que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train d'expliquer des choses, d'exaltation par rapport à Allah, tellement grande, que le mimbar, il ne pouvait plus rester en place. Et le cheikh, il l'explique en disant, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yuwaddihu fi hadha al-hadith les sahaba radiyallahu anhum kayfiyata qabdillahi ta'ala lis-samawati wal-ard wa annahu qabdun haqiqiyun wa hadha fihi raddun 'ala alladhina yaquluna bil-majaz fayubayyinu lahum sallallahu alayhi wa sallam annahu qabdun haqiqiyun فيقبض بيديه ويفتحهما وهذا توضيح وليس معناه تشبيه يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيد الله كما قال صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فليس هذا من باب تشبيه القمر بالله عز وجل وإنما هو تشبيه لرؤية الله برؤية القمر وكذلك هنا كما جاء في رواية ابن عمر فقد قبض الرسول صلى الله عليه وسلم يديه يبين لهم أن القبض حقيقي وليس مجازا وقوله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله يعني إلى أسفل من أسفل شيء منه إلى آخره وهذا فيه أن المنبر أصابه ما أصابه من الهيبة لله وهو جماد. Donc ici le cheikh il dit, donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il clarifie ce hadith pour les sahaba, il explique comment Allah azza wa jal va prendre les cieux et la terre dans sa main au jour de la résurrection. Et comment il explique le fait que comment il va yani faire une poignée des cieux et de la terre. Et que ça c'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas quelque chose qui est allégorique ou symbolique, comme le disent les gens de Bid'ah. Et il dit, il va expliquer que Allah Azza wa Jal, donc il va prendre les cieux et la terre dans sa main et faire un point avec. Il va faire une poignée avec. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré l'exemple. Il a ouvert sa main, il a fermé sa main, fermé ses doigts, pour expliquer la signification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire au jour de la résurrection. Et il dit, ça c'est pas pour faire une ressemblance entre les mains du messager et la main d'Allah, parce qu'il n'y a pas de ressemblance entre la main des créatures et la main du créateur, mais c'est uniquement pour montrer qu'il va fermer sa main sur les cieux et sur la terre, pour montrer cet exemple-là. Donc pas pour comparer, mais pour donner l'exemple. Dans le sens que il montre que Allah subhanahu wa ta'ala va fermer sa main de la même manière que nous, lorsqu'on ferme notre main pour prendre quelque chose comme une poignée. Et c'est comme quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir votre Seigneur de la même manière que on arrive à voir la lune quand elle est pleine et quand il n'y a pas de nuages. Ce n'est pas pour comparer Allah à la lune. C'est pour comparer la facilité par laquelle on peut voir la lune quand il n'y a pas de nuages et la façon dont on va avoir la facilité de voir Allah au jour de la résurrection, même si on est toute l'humanité réunie ensemble ce jour-là, eh bien, ça ne va pas nous empêcher de pouvoir le voir. Contrairement à des choses qui se passent parfois sur la terre quand il y a une grande foule de personnes qui sont réunies et qu'il y a une personne qui est en avant et que tout le monde essaie de regarder, eh bien, les personnes qui sont plus grandes, elles empêchent les autres de voir ceux qui sont en arrière, qui sont plus petits, ils ne peuvent pas voir en avant. Et le prophète Sansa m'a dit, est-ce que vous avez de la difficulté à voir la lune lorsqu'elle est pleine dans le ciel le soir? Non. Alors, de la même manière, vous n'allez pas avoir de difficulté à voir Allah au jour de la résurrection. Et la même chose ici, quand il donne l'exemple pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une poignée avec les cieux et la terre, eh bien, il donne l'exemple pour leur faire comprendre que c'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas quelque chose de symbolique. Non, il va réellement fermer les cieux et la terre et tout l'univers, il va en faire une poignée. Et c'est pour montrer en même temps que toute la création par rapport à Allah, elle est plus petite qu'un grain de sel qu'on met dans la main de l'un d'entre nous. Si on prend un grain de sel, on la met dans notre main. Et bien ça, c'est un exemple pour montrer comment l'univers, elle est petit par rapport à Allah, Azza wa Jal. Et donc, le cheikh, il explique que dans la narration donc de Ibn Omar, il y a cette explication-là. Et c'est pour montrer comment Allah, que le fait que Allah va prendre les cieux et la terre, c'est quelque chose de réel et non pas allégorique ou symbolique. Et l'exemple aussi du fait que le mimbar, il a commencé à trembler, eh bien ça, c'est pour montrer aussi que même les choses inertes, elles ont, elles ressentent la crainte d'Allah Azza wa Jal et qu'ils tremblent de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala elle aussi. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.